mystère quand les ombres font peur. Le pouvoir de la lumière éclairera ton cœur. N'abandonne pas, n'abandonne pas. Si tu es fort, tu auras tout le pouvoir. Garde la foi, tu survivras. Génération Manga épisode 515, c'est pas Marignan, hein. 515 pas 1515. Il y a Chris aujourd'hui qui va nous faire un petit compte rendu magique de la convention monégasque où il s'est rendu il y a deux week-ends. Une petite semaine, voilà. Une petite semaine, hein. En fait c'était le 27, donc voilà. Le week-end précédent, le samedi. Vraiment une journée fantastique, donc il fallait vraiment que je vous en parle, magique. Et puis il y a eu du lourd, du très lourd. Alors, oui. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur les réseaux sociaux et sur Internet, notamment concernant un fameux projet. Donc vu que j'étais sur place et que j'ai pu avoir quelques petites infos supplémentaires, on va repréciser un petit peu les choses. Absolument. Alors, avant de parler du Magic de Monaco, je vais faire une petite annonce qui va ravir tous les passionnés fans de générique. Ah. Ce week-end, donc à Nanterre, dimanche précisément, le 13 mars, nous aurons donc le Générique TV Party volume 2. Alors, un spécial fille, ça va être génial. Donc, nous aurons Valérie Barouille, Dominique, donc Poulain, et notre amie Amélie Morin. Exactement, voilà. Ah, donc en gros, toutes les filles qui étaient là à la première édition, et puis pas Michel Barou qui était là à la première édition. Voilà, donc Michel, en gros, c'est la même, mais sans Michel. C'est une spéciale fille, voilà. Mmh. Alors, qui dit spécial dit cette liste spéciale aussi. Il y aura énormément de surprises. Il y a beaucoup de titres qui n'avaient pas été joués à Tours, je n'en dis pas plus, mais qui seront donc interprétés ce coup-ci à Nanterre. Il y aura vraiment du lourd. Donc, est-ce si qu'Amélie, elle va nous chanter autre chose que Sherlock, là, pour le coup, les Moomins ou Mimi Cracra? Je ne dirai rien, il faut aller la torture, à Nanterre dimanche, mais franchement, vous allez passer un très bon moment, et puis c'est bien. Épisode 2, complètement différent, en fait, de ce que vous avez pu voir si vous étiez présent. Pas complètement, il y a bien pratiquement, elle va faire Candy, Dominique. Elle va faire Candy, voilà, mais hormis, on va dire, quelques classiques, ça va vraiment être axé un show sur les surprises, sur les bons moments, etc. Ouais. Beaucoup de choses. Hein, ça donne envie d'y aller, ça crotte. Oui, il faut vraiment y aller si vous êtes dans les parages ou si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, pourquoi pas. Donc, c'est une convention qui s'appelle la Japan Party. Voilà. J'ai même entendu parler, c'est pas donc, bon ça que j'ai pas entendu parler. Je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est assez récent. C'est la deuxième ou troisième édition, je ne sais plus. En tout cas, c'est à Nanterre, donc banlieue de Paris. Alors, pour y aller, vous pouvez passer, pour les connaisseurs, du côté de Versailles. Donc, ça évite de traverser tout Paris. C'est un peu moins pénible que si c'était... Donc, ce n'est pas Paris au milieu, c'est l'agglomération. On peut bifurquer pour peut y aller le... du côté de Versailles. C'est beaucoup plus sympa parce que si vous vous retrouvez dans les bouchons en week-end, au secours. Ouais. Voilà. En tout cas, voilà, on le répète, le générique TV Party number 2, spécial fille, donc avec Valérie Barouille, Dominique Poulain et donc Amélie Morin, voilà, qui vont, pense, vous ravir. Donc, si vous n'avez pas assisté au premier concert de Tours, bon, c'est l'occasion de découvrir un petit peu ce spectacle et ce concept qui est le générique TV Party. Et puis, si bien sûr vous voulez vous faire plaisir à nouveau de manière différente, écoutez, voilà, on fait un bis, comme on dit. Il y aura d'autres concerts. Hein, ah oui, c'est parti pour gagner. Là. Générique TV Party, voilà, ça commence à bien fonctionner, donc ça va rouler. Et l'originalité, c'est que selon les concerts et les dates, ça sera pas les mêmes. En France, voilà, il n'y aura pas les mêmes artistes, il y aura des surprises différentes à chaque fois. Enfin, voilà, vraiment des bonnes choses en perspective. Donc, il faut y aller. Donc, vous pourriez y aller à chaque fois sans que ça soit toujours pareil. Quoi. Voilà, et puis... quand on est fan de générique avec les interprètes, les artistes en vrai comme ça, qui chantent en live, hein. Il faut savoir, ils chantent en live. Hein. Oui, par contre sur une bande. Oui, mais c'est bon, c'est leur vraie voix. Mais c'est eux qui chantent, eux, il n'y a pas de playback. Ça envoie. Hein. Ça envoie. Voilà, bonne expérience et bon moment à passer. Bonjour. Voilà, Michel ne sera pas présent puisque lui sera en concert le samedi à Montpellier. Accueillez-vous, j'ai pas de patou. Voilà, il sera donc tout seul à Montpellier, notre convention, j'ai oublié le nom, ils m'excuseront. Enfin, voilà. Montpellier, j'ai peur que ça soit pas terrible, à part Michel, enfin, si, ça va nous faire comme ça vaut au moins le coup d'aller applaudir Michel. Donc si vous êtes dans le coin, Montpellier, dans le sud, voilà, vous savez pas quoi faire samedi, vous pouvez donc hop. Voilà, par contre, si vous êtes très loin de Montpellier, c'est peut-être pas la peine de faire des bornes. Ou alors, si vous voulez faire des bornes, vaut mieux aller à Paris. Oui, voilà, parce qu'il y aura un petit peu plus de choses. Donc, il y aura aussi notre ami Rui donc, en conférence donc, pendant ce Japan Party à Nanterre. Mm-hmm. Plusieurs choses, notamment pour nous parler de ses projets. Et il y aura aussi des comédiens de doublage. Donc, il y aura une petite conférence bien sympathique. Ouais, j'ai vu qu'il y a ceux qui ont bossé sur le tombeau des Lucioles, des trucs comme ça. Voilà, mm-hmm. Donc c'est quand même du lourd. Hein. Mm-hmm. Ce sont des œuvres quand même assez, on va dire, emblématiques de la culture japonaise. Donc, c'est à voir. Voilà. Fait. Que du bon, donc. Il y a pas mal de choses hein, cette année. Voilà. Alors, je rappelle aussi pour ceux donc, qui n'ont pas pu aller à Tours que j'ai mis en ligne les conférences des comédiens de doublage et des chanteurs si vous voulez pouvoir y assister. J'ai pensé à vous, je vous les ai filmés et je vous les ai mis sur YouTube. Donc voilà, vous pouvez d'ores et déjà aller les voir. À voir ce que vous avez raté. Entre autres. Vous n'étiez pas présent. Voilà. Conférence très intéressante d'ailleurs. Alors beaucoup d'humour hein, de la part des différents artistes et intervenants. Vous allez voir, c'est dans une ambiance vraiment sympathique, conviviale, comme si on était entre potes. Pourtant, la salle était pleine hein, pour donc pour la plupart des conférences qui faisaient très plaisir. Mais c'est vraiment agréable, plein d'anecdotes. Vous allez voir, c'est. Je pense que vous allez apprécier. Hein. Voilà. Donc vous cherchez une conférence, doublage ou chanteur Japan Tour, et vous trouverez ça facilement. Voilà, sur le tube. Sur le tube. Pas celui de Canal, hein, le tube d'Internet. Ouais, non. Voilà, donc effectivement, le week-end dernier, donc le 27 février, avait lieu un des gros événements de l'année. Alors là, c'est vraiment énorme. Alors, tu as vu Buichi Terasawa ? Non seulement j'ai vu Buichi, je ne sais pas comment on dit. Je ne sais pas, mais ils ne l'ont pas dit. Monsieur, je ne sais pas, j'étais sous l'émotion. Donc, monsieur Terasawa Sensei. Il va bien ? Il va très bien, même s'il a des problèmes de santé, il a vraiment la pêche. Donc, je vais parler un petit peu de tout ça. Mmh. C'était l'événement. Alors, on va repréciser un peu ce qu'est le Magic, parce que c'est vraiment... je voulais d'abord parler de ça, introduire un petit peu la chronique sur ce qu'est le Magic, parce que c'est vraiment atypique. C'est même pas une convention, c'est un événement hors norme. Alors, ce qu'il faut savoir... c'est que contrairement aux différentes conventions habituelles qu'on a l'habitude, je fais de la redondance. Les conventions que nous voyons en France un petit peu partout, selon un concept qui est un petit peu toujours le même, le Magic est complètement différent. C'est pas vraiment une... Est-ce à dire qu'il n'y a pas de YouTubeurs ? Mais effectivement, alors ça je vais le dire. C'est merveilleux. C'est une sorte d'événement, comment je pourrais dire ça, une sorte de colloque, voilà, entre passionnés et pour passionnés. Uh-huh. Alors, c'est clair que ils cherchent absolument pas à avoir le maximum de monde. Hein. D'ailleurs, des gens de qualité. Cédric, le responsable, donc et l'organisateur de cet événement est très clair là-dessus. Ce qui est bien, je trouve, c'est que, alors première chose, donc c'est un événement qui est totalement gratuit. Pas d'entrée à payer. Ah bon ? Ah ben, bah, on m'avait pas dit ce petit détail, c'est quand même... C'est absolument gratuit. Ah ouais. La seule chose, c'est que c'est uniquement sur invitation. Donc, les invitations sont ouvertes. Il y a une période, si tu veux, où les gens peuvent s'inscrire. Et il y a un nombre de places qui est limité. D'accord. Donc, en fait, ils veulent vraiment pas qu'il y ait beaucoup de monde, en fait. Non, d'ailleurs, ça m'a un petit peu amusé parce qu'il y a des gens de la presse qui les ont interpellés. Mais il y a un petit peu de monde, mais sans plus, ça vous fait pas peur exactement. Réponse de Cédric, on ne cherche absolument pas à remplir à ce qu'il y ait énormément de monde. Et puis, en plus, comme ils ne font pas payer de toute façon, ça n'a aucune importance qu'il y ait donc, du monde. Donc, ce qu'il fallait savoir, voilà, c'est que c'est réservé à 2000 personnes, accréditation presque compris. Trié sur le comprise, volet. Pardon. Donc, les gens pouvaient s'inscrire, il y avait une date limite et puis... Bah, au-delà du quota, en fait, c'est les premiers arrivés. Quoi. C'était complet, les premiers qui s'étaient inscrits. Mmh. Donc, si ça ne servait à rien de vous présenter si vous n'étiez pas inscrit, vous n'aviez pas de possibilité ou à moins de... Défoncer la porte. De connaissances, on va dire, mais ça restait exceptionnel de pouvoir rentrer. D'accord. Donc, voilà. Première chose, le Magic. Donc, c'est vraiment un événement, une sorte de colloque pour passionnés. Ce n'est pas vraiment une convention. Et vraiment, c'est plaisant parce que chacun peut profiter d'une journée. Donc, c'est sur une seule journée, mais unique. Sans Kikoulol, sans YouTubeur. Hein. Alors, le Magic est organisé donc, par Shibuya Productions. Alors, Shibuya Productions... Alors, dis-moi tout. Alors, apparemment, c'est des Français, ça ? C'est des Monégasques qui Alors, font... c'est des Monégasques. C'est une société qui a été créée par notre ami Cédric Bisquet, enfin notre ami... je connais pas. J'ai pu faire connaissance, hein, je dis ton notre ami alors. pas tout à fait encore, mais enfin, tu vois ça ce que je veux dire. Donc en tout cas très gentil Cédric. Cédric Bisquet donc, qui a monté il y a quelques années, donc cette, au départ c'était une fondation, donc cette, on va dire, cet événement. Cette société, voilà, société. Qui est devenue également Shibuya Productions. Ils font déjà des trucs alors, ils font déjà de la coproduction, il y a du lourd qui s'annonce. Je vais annoncer quelques événements, vous allez voir, il y a du lourd. D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc, Cédric travaille depuis des années avec les Japonais sous différents projets. C'est ce qui lui permet d'avoir vraiment, on va dire, un carnet d'adresses et des contacts privilégiés par rapport à d'autres organisateurs et d'autres personnes en France. Comme ça qu'il y a eu Buki Terasawa, que personne n'avait eu. Et il a eu d'autres personnes aussi, j'en parlerai, notamment pour les comics, même si je ne suis pas très comics, il y avait du beau monde. Il a réussi à avoir Romita Junior. Exactement. Romita Junior qui refuse en général d'aller même au Comic-Con ou dans les conventions. Uh-huh. C'était la première fois qu'il allait sur un événement comme ça. Donc, bon, il était venu à Angoulême, mais il y a très longtemps. Donc, c'était vraiment exceptionnel. Donc Cédric, de par son expérience professionnelle et autres projets il y a quelques années, a réussi à donc avoir ce petit cocon privilégié de contacts, voire d'amis aux States et au Japon, ce qui lui permet de réunir des gens sur à des événements aussi exceptionnels que le Magic. D'accord. Donc c'est une, comme je le disais, une sorte de colloque pour passionnés qui a pour but, voilà, de présenter les projets de Shibuya Productions et aussi de faire vivre des moments un peu exceptionnels donc aux passionnés. Donc je l'ai dit, entrée gratuite, bien, pas de boutique non plus, c'est formidable. Oui, oui. Alors pas de boutique. Il y avait deux stands. Alors que j'explique bien, ils avaient un intérêt quand même. Donc, hormis le stand Magic, donc Magic, c'était le stand officiel de l'organisateur, donc c'est bien, information, etc. Vous aviez aussi la possibilité donc d'acheter des goodies qui n'étaient pas très chers. Hein, c'était sans obligation, bien entendu. Vous aviez le t-shirt Magic qui était très beau pour une vingtaine d'euros. La clé USB en forme de logo Magic et puis des coques de iPhone ou de smartphone. Voilà, des trucs sympathiques, pas très chers. Et puis, ils faisaient des petits cadeaux aussi. Donc, c'était plutôt sympa. Donc, il y avait une librairie, par contre. C'était le seul, on va dire, vraiment stand commercial, on va dire, en termes de goodies, etc. Alors, c'était plutôt bien parce qu'ils avaient surtout amené les ouvrages des auteurs japonais et américains qui étaient en dédicace. Ah oui, donc, logique. Pratique pour quelqu'un, logique d'une part, et pratique pour ceux qui n'avaient pas leur truc sur eux. Ils pouvaient, bah, juste avant la dédicace, acheter ce qu'il fallait. C'est sympa. Et une sorte de petit café traditionnel, entre guillemets, où vous pouviez acheter des pâtisseries, des cafés si vous aviez une petite faim et des boissons. Voilà, c'est uniquement ce qu'il y avait en termes de commerce. Voilà, pas de boutique, pas de trucs envahissants, pas de supermarché comme on peut le voir à la Japan Expo et compagnie. D'accord. Vraiment que des choses pour se faire plaisir. Donc, des dédicaces, des acteurs et des auteurs vraiment exceptionnels. Mais non, tout était gratuit. J'ai dit, le Magic, c'est 100% gratuit. Donc, tu ne payais aucune dédicace de personne. Tu ne payais aucune dédicace de personne. Pas de Romita Junior, pas de Buki Terasawa, c'est gratos. Rien, tout était gratuit. Alors, c'est merveilleux. On va en parler après, parce que je vais vous faire le cheminement, le déroulement de la journée, comme si vous y étiez. Vous avez même droit aux cadeaux pendant les dédicaces. Il y a des petits objets, des petits trucs. Non seulement tu ne payes pas, mais en plus, on te donne des cadeaux. Oui, c'est merveilleux. C'est formidable. Alors, donc, un programme, ben, des conférences avec des invités de prestige, bien sûr. Un cosplay, mais un seul, mais qui se fait vraiment pas comme on voit habituellement ailleurs, de manière bon enfant. On se prend pas la tête, les gens se prennent pas au sérieux. Il y avait une vingtaine de gens cosplayés, puis on fait un petit concours à la fin. Ouais. Avec, pour le premier, quand même, un voyage aller-retour au Japon. Ah ouais, ah bah, se fout pas donc, de ta gueule. Hein. De rien, on se fout pas de votre gueule, ça c'est clair. Il y avait une expo très sympa aussi, alors j'ai oublié le nom, mais c'est une expo qui avait eu lieu aussi à Paris, avec des cellulos et des, on va dire, des croquis de chara-design originaux. Tu vois ce que je veux dire? C'est anime quelque chose. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois pas le nom, mais je vois le truc. Ouais. Donc une très belle expo. Et puis des concours de jeux vidéo pour les passionnés, mais voilà, vraiment, on a fait un petit peu le tour de ce qu'il y avait de disponible dans la journée. D'accord. Non. Alors, avant de... petit remerciement quand même, avant de parler de cette journée mémorable, fantastique, magnifique, je ne sais pas comment vous dire ça, j'aimerais remercier, mais vivement, alors là, chaleureusement même, Laurence et Sarah du service presse, qui ont accueilli Génération Manga, mais vraiment comme des invités de marque, des VIP. Franchement, elles ont tout fait pour que je puisse travailler dans les meilleures conditions possibles. Grâce à leur boulot, j'ai réussi à rencontrer les artistes qui étaient présents. Et pourtant, c'était compliqué parce qu'il y avait de la demande. Donc, je remercie encore vivement Laurence et Sarah, d'ailleurs, qui nous ont proposé d'être présents l'année prochaine. Donc, merci encore. Là, ça donne vachement envie d'y aller. Et je voudrais aussi remercier chaleureusement Sae Sibo, qui est directrice générale de Shibuya Productions et qui m'a permis de rencontrer M. Terasawa en privé un petit moment. Ah. Donc ça n'a pas de prix. Donc merci Sae Sibo, parce que c'est pareil, c'est pas évident. Quand même, M. Terasawa, c'est quand même une personnalité. Il y avait beaucoup de monde qui souhaitait le voir. Ah, tu m'étonnes. Donc vraiment, je les remercie encore parce que j'ai passé un samedi de rêve. Tout émotionné. Oui, je suis encore, je reviens pas quoi. C'était vraiment formidable. En plus, des gens qui travaillent vraiment de manière professionnelle, qui sont très agréables, très gentils, qui se prennent pas la tête, qui font tout pour que tout le monde puisse travailler dans de bonnes conditions. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a été des petits chanceux, des petits vénards à Génération Manga, parce qu'au niveau des accréditations presse, ça a été très très très très limité aussi. Mm-hmm. Ouais, comme ça a partout. Été vraiment. Non, mais c'est encore pire qu'aux autres d'habitude, endroits. Hein. Ouais. Alors dans les médias un petit peu, on va dire spécialisés et lourds, il y avait No Life et J1. En termes de télé, et c'est tout. Pour les radios, il y avait Japan FM, Génération Manga, et c'est tout. Donc voilà, c'était assez... Et puis quelques presses et sites, mais vraiment spécialisés, du gros site. Hein. Jeux vidéo et culture japonaise. Donc très ciblé. C'est très ciblé. Je ne veux pas, Télérama, pas calculer, mais je pense qu'on était en gros une dizaine de médias, pas plus. Donc ouais, quand même, c'était vraiment trié sur le volet. Ça a vraiment été un privilège pour nous d'être reçus là-bas. Donc, je vais vous parler de cette fameuse journée, maintenant que les choses sont dites. Alors, tout d'abord, ça a commencé dans les chapeaux de roue à 9h avec la cérémonie d'ouverture. Et oui, cérémonie d'ouverture. Mm-hmm. Donc, tous les invités défilaient les uns après les autres. Alors, je ne vous cache pas qu'à l'applaudimètre, les Japonais ont tout cartonné, ont tout raflé au niveau ambiance et aura et compagnie. Ouais. Pourtant, il y avait du lourd. Hein, pourtant, Romita Junior, c'est un énorme. Hein, John Romita Junior, il est énorme. Pour les on va dire les fans de comics, c'est vraiment un incontournable. C'est le fils à son père qui avait déjà fait des trucs. Un grand. Pas du tout son dessin, mais. Il dessine du Spider-Man, des choses comme ça. Il dessine tout, il a tout dessiné. Vous voyez, hein, donc c'est quand même du lourd. D'ailleurs, il y en a qui avaient fait le déplacement pour lui. Il y avait également David Lloyd. Alors lui, c'est V pour Vendetta. Oui. C'est lui qui dessine ça. D'accord. C'est déjà plus underground. Underground, voilà. Mais enfin, pour les fans de cette BD, c'est quelqu'un de culte. Donc. Les invités américains et puis francophones arrivent. Bon, petite ambiance sympathique. Et donc, on commence par les invités japonais. Alors là, ça commence à cartonner, à envoyer à l'applaudimètre, ça défonce et tout. Monsieur Yu Suzuki, qui venait pour la troisième fois. au Magic. Ouais. Enfin, pour la deuxième fois au Magic et pour la troisième fois, puisque la première année, vous savez, c'était il y a eu le Monaco Anime Game Show, qui était un projet différent, mais avec la même équipe. Les gars de la TGS. Entre autres, en collaboration. Et donc, il venait nous parler, surtout nous présenter en exclusivité les premières images de Shenmue 3, qui est énorme, qui tue, qui... un truc de malade, quoi. Donc, enfin, ça y est, bref, ça va sortir, ça, du coup. Ça sortira, je vais en parler tout à l'heure. Et donc, arrive monsieur... C'est un jeu vidéo, je précise, pour ceux qui ne savent pas. Qui est cultissime pour les fans, donc je pense que... Sur Dreamcast. La majorité connaissent, oui. Là, ça va sortir, j'en parlais tout à l'heure, sur... Sur Dreamcast, du coup. Alors. Quoique. Alors, je vais en parler parce qu'il y a du lourd. Ça n'a pas été dit dans la presse, mais il y a un projet sur Dreamcast. Donc, pour ceux qui ont encore la console. Voilà. Et donc, Monsieur Terasawa arrive, alors là, tollé, machin, enfin bref. Non, pas tollé. Oui, non, mais tollé de joie, enfin, je ne sais pas comment dire. Tu perds tes mots. Hein. Voilà, j'en perds mes mots, vraiment, on n'y croyait pas, quoi, ça paraît irréel. Je rappelle que Monsieur Terasawa n'est pas venu en Europe depuis plus de 20 ans, qu'il n'est jamais venu en France, que la dernière fois qu'il était venu en Europe, c'était dans une petite convention belge. Très très mal organisé d'ailleurs. C'était un petit truc. La plupart même des professionnels français n'avaient même pas eu l'info. Je vous dis ça de source sûre. Hein. Donc Olivier Fallet, on peut le citer puisqu'on en a parlé de anciennement d'Anime Land, rédacteur en chef, m'a expliqué que même lui à l'époque n'avait pas eu l'info, qu'il l'avait loupé. Alors tu vois. Donc c'est vraiment exceptionnel que M. Terasawa déjà sorte du Japon parce qu'il a eu des gros problèmes de santé il y a quelques années et il en paye encore un petit peu le prix. Faire un voyage de plus de 14 heures comme ça, c'est pas rien et c'est beau quand même. Ouais. Mais il avait quand même la patate. Hein. Donc il est arrivé, et donc là, c'était voilà, joie, etc. C'était vraiment formidable. Donc c'était la petite introduction pour présenter les invités, et puis donc était expliqué ce qui allait avoir lieu dans la journée. Alors, le seul petit bémol que j'aurais sur le Magic, mais c'est un bémol, oui, mais bon, on peut pas contenter tout le monde, c'est ça, c'est parce que sur une journée, il y a tellement de choses. Le regret pour ceux qui sont à la fois fans des uns et des autres, de M. Terasawa et de Shenmue, n'ont malheureusement pas pu assister à tout, ouais. Puisque dès la fin, donc 9h30 de la cérémonie d'introduction, d'ouverture, avait lieu la conférence Shenmue 3. On enchaîne. Et en même temps, la première dédicace de M. Terasawa. Ah oui. Donc il fallait faire un choix si vous étiez fan. Si tu veux un gribouille ou si tu veux écouter. C'était un petit peu compliqué. Donc il y a eu la. Et Terasawa, il faisait que des gribouilles ou il dessinait? J'en parlerai après ça. Il y a quelques petits chanceux qui je ont veux pu. Savoir. Voilà. Donc là, donc dédicace de Monsieur Wiki Terasawa. Ce qu'il faut savoir, c'est que il fallait être là de très bonne heure, puisque le salon ouvrait ses portes à 8h30 et que pour le matin, il n'y avait que 50 heureux qui pouvait avoir la dédicace. Mmh. Donc, inutile de vous dire qu'à 8h30, il y avait déjà une foule invraisemblable. Ouais. Donc, tout le monde s'est précipité donc, à l'accueil du Magic pour s'inscrire sur la liste. Et au bout de 50, hop, le coup prêt tombe, malheureusement. Mmh. Et pas possible de faire dédicacer. Donc, le Magic offrait un ex libris, superbe ex libris, où on voit Cobra et... Et te donner carrément le truc à faire rigouiller. Te donner carrément le truc. Alors, pour le matin, c'est différent l'après-midi, je vais en parler, c'était beaucoup plus cool, mais bon, après, voilà, c'est question de chance ou pas. Mmh. Le matin, par mesure de rapidité, d'efficacité, puisque la conférence de M. Terasawa était pratiquement après la dédicace, tu vois, ça enchaîne, il fallait que ça aille vite, donc il n'y avait que 50 personnes, et avec l'ex libris à faire signer obligatoirement. Il signait pas autre chose. Si éventuellement, une fois ou deux, tu voulais pas donner l'ex libris, ça marchait deux fois, ça. Hein. J'ai assisté au truc, je peux vous le dire. Tu pouvais donner le manga, mais l'ordre, c'était vraiment, on fait l'ex libris. D'accord. Moi, c'est pas plus mal. Voilà. Alors, évidemment, il y avait énormément de gens qui attendaient, qui étaient déçus, qui n'ont pas pu avoir la dédicace. Donc, on leur a donné un ticket, en fait. Un ticket pour pouvoir assister à la dédicace du soir. Ouais. Donc inutile de vous dire que déjà dès le matin, il n'était plus possible d'avoir de dédicace. Donc si vous étiez arrivé en cours de route la journée ou l'après-midi pour éventuellement faire dédicacer, c'était mort puisque c'était complet déjà. D'accord. C'était limité à 50 personnes aussi le soir. Donc sur l'ensemble du Magic, il n'y a eu qu'une centaine de personnes qui ont pu avoir le privilège d'avoir la dédicace. D'accord. C'est compliqué, mais bon... voilà, le timing était très serré, tout s'enchaînait. Il faut bien comprendre que M. Terasawa, il a des gros soucis de santé. Il est de très bonne volonté, qu'il fait bien le job, mais il faut penser aussi à lui, quoi. C'est pas évident. Et alors, il fallait faire la queue, du coup, pour attendre si t'étais 50e. Il fallait faire la queue, mais ça passait assez vite. Ouais. Et contrairement à beaucoup de conventions que je ne citerai pas, c'était très très bien géré. Les gens qui étaient dans la file avaient déjà leur ex libris. Ouais. Ça passait assez vite. Les files étaient bien organisées, c'est-à-dire qu'il y avait d'autres dédicaces à côté, mais ça ne se chevauchait pas. Il y avait assez d'espace, donc personne n'a râlé. Hein, de ce côté-là, c'était vraiment bien. On va dire bien sympathique. Moment très court, comme certains l'auraient été, mais bon, bien sympathique. Et donc, suite à cette dédicace, arrive la conférence de M. Terasawa. Alors, conférence, on va dire, très intéressante. Je vais vous parler de ça, mais avant, on va peut-être, pour histoire de se mettre un peu dans l'ambiance, se mettre un petit générique de Cobra. C'est parti. Cobra, Et voilà, Kobura, il est tout mou, Kobura, c'est non, un voyou. Il est pas tout mou. Je sais pas, j'essaie de faire un truc qui rime. Il est pas tout mou. Par rapport aux Japonais. Et Monsieur Terazawa non plus. Il y a vraiment la patate, la banane. Alors, ce qui a fait plaisir à tout le monde, c'est qu'il était vraiment heureux d'être là, d'être présent. Souvent, il s'est approché de la scène pour jouer un petit peu avec le public. C'était vraiment donc excellent. Donc, une très bonne conférence. Personnellement, j'ai appris pas mal de choses. Et puis, les questions étaient bonnes. Donc, une conférence qui fait plaisir parce qu'on ne pose pas des questions. Donc, c'était animé par Olivier Fallet, hein, qui a vraiment bien fait le job, qui a posé des questions pertinentes et qui a bien représenté les fans parce que c'est des questions que tout le monde se pose, finalement. Genre, bah, sur les débuts de sa carrière, sur son travail sur informatique, pourquoi, comment, sur les différents projets futurs, sur sa façon de réaliser, puisque c'est vraiment impliqué dans Cobra Z Animation, par exemple. Donc, je vais vous parler de tout ça. Ça retraçait vraiment bien sa carrière, donc pour les fans, eh ben, c'est génial. Et puis pour ceux qui voulaient le connaître un peu mieux, c'était très informatif. Alors, début de carrière de M. Terazawa, hein, donc là je vous fais un récap de la conférence dans les grandes lignes. Donc il nous a expliqué qu'il avait démarré tranquillement début des années 70 en faisant du shoujo, c'est dur à dire. Ça voilà. Beaucoup à commencer par shoujo. Des petites choses, etc. Puis il s'est fait remarquer par le studio de M. Tezuka et il a travaillé en tant qu'assistant principal de M. Tezuka en 76. C'est quand même important de le dire parce que c'est pas rien, M. Tezuka. Oui. Donc je pense que ça a été une bonne école pour lui. Donc, fin 77, il a décidé de faire sa carrière, de voler de ses propres ailes. Donc, il a gagné un concours, en fait, avec une petite nouvelle. C'était un concours qui était organisé par le Weekly Shonen Jump. Weekly Jump, ouais. Donc, il arrive premier, il est sélectionné donc, par le magazine. Et du coup, on lui propose de dessiner une série, mais pour plusieurs numéros, un peu, quelque chose d'un peu plus lourd, un peu plus, on va dire, intéressant, pour le magazine. Donc au départ, on lui demande de faire une série avec un petit garçon, en fait. Parce qu'il voyait bien une série, il voulait une série avec un petit garçon. Mmh. Alors, bien sûr, M. Terazawa avait déjà les prémices en tête de Cobra. Il avait commencé déjà, on va dire, les jalons, moins dans son esprit du personnage, etc. Il avait vraiment une idée de ce qu'il voulait faire et il a refusé. Et il leur a dit que s'il ne voulait pas accepter et être d'accord avec ce qu'il voulait faire, et il irait voir ailleurs. Ouais, c'est ça. Et a commencé à leur mettre la pression. Et du coup, ils ont accepté. Et c'est là qu'il nous a expliqué qu'en fait, dans sa vie, il n'avait jamais fait de compromis, aucun compromis, qu'il avait toujours fait ce qu'il avait voulu et que c'était comme ça. C'est pour ça aussi qu'il avait commencé à faire des mangas en couleur via ordinateur à l'époque où personne ne voulait en faire. Personne n'en fait, c'était un précurseur. Ouais. Donc, Cobra arrive dans le magazine. Donc, ça commence à être un très gros succès hein, quand même. Et il y aura l'adaptation donc, pour la télé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu le film avant, hein, début 82. Ouais. Alors, il nous a dit, en fait, donc, qu'il détestait ce film. Et ben moi aussi. Pour la bonne et simple raison qu'il l'avait découvert une fois que ça avait été fait, hein, j'exagère pas, il n'avait pas été au courant de la mise en place. On ne lui a pas demandé son avis, pour faire simple. On a lancé le truc comme ça. C'est pour ça qu'il le déteste. Par contre, il a activement participé à la série, il a suivi de près et il apprécie beaucoup la série. Ah oui, c'est un bijou la série. La série, c'est un bijou, c'est clair. Alors, il nous a confirmé que c'était un grand fan du cinéma français, particulièrement de Jean-Paul Belmondo, et d'Alain Delon. Par contre, donc là, ça a bien fait rire la salle, qu'il n'avait pas choisi comme héros principal Alain Delon parce qu'il trouvait qu'il était trop prétentieux, qu'il avait un mauvais caractère et qu'il préférait le côté plutôt sympathique de Bébel, puisqu'il y a ce côté nonchalant et puis beaucoup d'humour, etc. Donc, c'est surtout cet aspect-là de Belmondo qu'il aimait, qu'il a voulu retranscrire dans le personnage. Mm-hmm. Donc, certes, c'est un hommage. Par contre, ça, c'est dommage aussi, il n'a jamais rencontré Jean-Paul Belmondo. Bah oui, ça aurait été l'occasion. Donc, ça aurait été l'occasion. Donc, je pense qu'il y aurait quelque chose à faire, là, quand même. Oui, hein. Surtout que Belmondo, il s'arrange pas non plus. Alors, il faudrait peut-être. Ça aurait été sympa une petite rencontre, hein, impossible, mais bon, ça pourrait être intéressant. Donc justement, voilà, il a essayé après d'autres techniques, dont la colorisation et le dessin par ordinateur, à partir de 92 avec Takeru. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, il a travaillé à l'époque avec des Mac, les premiers Mac, les trucs qui étaient un petit peu performants. Parce qu'il a toujours été fan de, on va dire, de technologie, d'informatique, etc. Et c'est vrai que c'est un précurseur, ça a été le premier à le faire. Personne ne le faisait à l'époque. Et que ça s'est fait après, bien longtemps après, par d'autres artistes ou d'autres, on va dire, studios de manga. Mais c'est pas souvent quand même. C'est clair. Alors, il a expliqué aussi... Takeru est pour la première fois intégralement disponible en français, oui. En la réédition, parce qu'à l'époque, ils avaient sorti l'équivalent du premier tome japonais, mais jamais le deuxième. Donc maintenant, ça va être enfin intégralement... C'est juste deux tomes, hein, donc c'est pas bien méchant. Et Takeru, c'est un personnage un petit peu à la Cobra, donc si vous aimez Cobra, vous aimez Takeru. Voilà. Alors, il aime beaucoup les techniques de cinéma, et pour lui, le dessin et le cinéma est lié. Alors, j'explique. En fait, pour Cobra The Animation, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a réalisé tous les storyboards. Donc, la série récente, je ne sais pas si pour ceux qui ne savent pas. Tous les storyboards. Donc, le storyboard, c'est le découpage technique, on va dire, et visuel, entre autres, pour résumer du film. Les storyboards qui sont disponibles dans le coffret collector, qui était sorti de The Animation à l'époque. C'est ça. Voilà, donc tu as ça dans le coffret. Et donc, il expliquait que pour être un bon réalisateur, forcément, de film, il faut être un bon dessinateur puisque tout le travail technique passe par le storyboard. Voilà. C'est pour ça qu'il appréciait beaucoup James Cameron, qu'il a déjà rencontré d'ailleurs, puisque lui est un très bon dessinateur. Oui, c'est vrai. J'ai vu ses dessins et il s'est trouvé. Voilà. Et donc, il a cité un autre réalisateur de film connu japonais. Mais tu l'as bouffé, Akira Kurosawa. Kurosawa, voilà. Ah bah, j'étais pas là, mais... voilà, qui lui dessine mal et donc pour lui, c'est pas un bon réalisateur. D'accord. Voilà. On lui a demandé où en était le projet avec Aja, entre guillemets. Oui, pour le fameux film live. Film. Alors là, c'est pas très bon. Donc, il espère toujours que les choses vont se faire, mais il n'a pas de nouvelles depuis très longtemps et il ne sait absolument pas où ça en est. Ouais, bah, donc, apparemment, ça manque de pognon. Comment on dit, c'est, au lieu de donner de l'argent aux noobs. C'est au point mort, entre guillemets, pour l'instant. Ah. Mais il est très confiant. Alors, il nous a dit aussi qu'il continuait à travailler sur Cobra et qu'il n'imaginait pas, tant qu'il serait vivant en tout cas, de fin aux aventures de Cobra. Donc, tant qu'il aura la capacité de travailler et qu'il sera parmi nous, il continuera à imaginer, à inventer des choses sur Cobra et à travailler sur Cobra. Donc, ça, donc c'est on risque d'avoir des nouvelles aventures. Ça, c'est une, on va dire, une très bonne nouvelle quand même. Tout à fait. Alors, voilà un petit peu, on va dire, le résumé de la conférence qui a duré 45 minutes. Uniquement, la surprise était maintenue jusqu'au bout puisque l'après-midi, il y a une méga annonce, je vais en parler tout à l'heure, en donnant quelques détails. Et là, à ce moment-là, on ne savait absolument pas, on a tous été surpris l'après-midi quand il y a eu cette annonce. On était plus que contents, quoi. Ça a été un choc. C'est vrai que de voir le trailer sur YouTube, c'est une chose, mais quand tu découvres le truc dans la salle, ça te donne des frissons, mais c'est un truc de fou, quoi, parce qu'on n'espérait pas ça. Et je vais en parler tout à l'heure. Donc voilà, la conférence venait de se terminer. Donc, M. Terazawa a été se reposer plusieurs heures parce qu'on était très fatigué quand même. Et donc, pendant le salon, le cosplay, les autres conférences, etc., des choses plutôt sympathiques. Avec tout ça, il était quand même déjà 13 heures. Donc, je suis allé au service presse. Donc, là, j'ai eu la chance d'interviewer M. Yusuzuki pendant 20 minutes. Ouais. Alors... on diffusera l'interview prochainement. Alors, interview intéressante qui a beaucoup plu d'ailleurs. J'ai eu l'écho du manager de M. Yu Suzuki. Il a plutôt kiffé, entre guillemets, parce que... Poser des bonnes questions. Toutes les interviews qu'il a eues, on lui a parlé que de Shenmue 3. Oui, tandis que toi, t'as gradé, tu sais qu'il fait d'autres choses, ce petit-là. Voilà, j'ai parlé de ça. Et ça a été pour lui une bouffée d'air, de fraîcheur. Ah bah enfin, quelqu'un qui me parle d'autre chose. Il a beaucoup apprécié. D'ailleurs, voilà, c'est un peu notre touche, d'ailleurs, ça. Parlé de ces titres cultes, comment il les a réalisés. Notamment, vous entendrez comment il a créé cet effet de vitesse sur Outrun à l'époque, alors que techniquement, on n'était pas aussi évolué et que les jeux n'allaient pas très vite. Il a fallu qu'il feinte. Donc Outrun, c'est une course de voiture. Exactement, avec une Ferrari. Donc il nous explique pourquoi il a choisi une Ferrari déjà. Ça, c'est anecdotique. Mais surtout, comment il a créé ce concept de vitesse qui n'existait pas à l'époque. Alors ça, c'est plutôt intéressant. Et aussi, comment il a imaginé et inventé à l'époque cet univers si dense pour Shenmue. Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais c'est vraiment très intéressant. On parlait de choses différentes. Shenmue, c'est un peu le premier jeu vidéo. Tu pouvais aller partout dans le jeu, faire ce que tu voulais. Voilà, il y a des détails de folie. Il y a un distributeur, vous pouvez tirer ce que vous voulez comme boisson. C'est un truc de malade. Sachant que pour l'époque, c'était révolutionnaire. Bien avant que les jeux là, soient super beaux, mais injouables sur PS3 et PS4. Voilà, enfin bref, on peut faire ce qu'on veut. Entre guillemets. Mais bon, vous verrez des moments intéressants. Et donc, il y a eu l'après-midi, la conférence Shibuya Productions, où ils nous ont parlé donc de leur projet. Alors il y a du lourd, hein, une boîte européenne comme ça qui fait des trucs de ce style, ben, chapeau. Alors déjà, ils font un reboot de Astro Boy. Ah, ça, par contre, c'est pas une bonne nouvelle. Après, il y a des fans d'Astro Boy. Oui, mais déjà, le dernier dessin animé en date d'Astro Boy, il a fait un flop monumental. Donc voilà. Et le dessin animé de long métrage qu'ils ont fait avant, il a fait aussi un flop monumental a carrément coulé la boîte. Donc faire un de l'Astro, c'est une très mauvaise idée. On verra. Je voudrais pas qu'il coule aussi, tu vois. En tout cas, ça. Donc ils ont financé en grande partie ce projet. C'est une coproduction. J'espère qu'ils ne comptent pas que là-dessus. Tezuka hein. Production, donc c'est pas rien quand même. Hein. Non, je dis pas le contraire, mais j'espère derrière. Qu'ils ne mettent pas toutes leurs billes là-dedans et qu'après ils vont couler eux aussi. Hein. Non, non, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça et m'ennuierait. C'est un projet qui est bien avancé quand même au niveau réalisation. Non, tant mieux, mais ce n'est pas ce que j'attends, moi. Voilà. On attend d'autres choses. Voilà. Et puis donc, ils coproduisent aussi Shenmue 3. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est en partie grâce à eux que le truc a vu le jour. C'est eux qui ont donné de l'argent au départ et qui ont lancé. Ça c'est les aléas de la technique. C'est le micro qui casse. Petite interlude sympathique. Donc qui ont lancé le participatif, qui d'ailleurs. Mais Shenmue 3 était déjà pas mal avancé à l'époque, non? Je dis pas de bêtises. Non. C'était si tu veux, il y avait quelques ébauches de la part de Monsieur. Mais ils n'avaient pas trop bossé dessus à l'époque. Mais ils pouvaient pas avancer techniquement, il lui manquait les moyens. D'accord. Il lui manquait les moyens. Voilà, maintenant il les a en grande partie grâce à donc Shibuya Productions. D'accord. Ce qu'il faut savoir, et c'est bien de le noter, c'est que le participatif a été au-delà de ce qui était prévu. Et en termes de rapidité, c'est le participatif le plus rentabilisé, le plus finalisé au monde. C'est dans le Guinness Book des records. Quand même. Ça a même battu les noobs quand ils ont eu des fortunes. C'est record mondial. Jamais un projet n'a été arrivé à son terme aussi vite. En termes de temps. Donc, c'est dans le Guinness Book des records. D'accord. Guinness Book des records. Pour une fois que vous donnez votre argent à quelque chose de bien. Voilà, parce que ça va tuer Shenmue 3. Vraiment, on a vu les premières images. Donc, justement, après, pendant cette conférence, c'est de toute beauté. C'est trop beau. C'est à pleurer, quoi. C'est à tomber par terre. C'est vraiment très, donc, très, ça sortira très, sur quoi, alors? Sur PS3, alors, sur Xbox? Bon, vu qu'on parle de la conférence, je peux en parler un petit peu. Donc, c'est prévu pour sortir sur PlayStation. Donc PS4. PS4. Mais comme donc Cyril de Shibuya Production est un passionné, il est en train de continuer à ramasser de l'argent et à lui donc des fonds, regrouper pardon, des fonds et donc financer également avec sa filiale Shibuya Production pour une édition très limitée qui sera sur Dreamcast. Alors le problème, c'est que s'il est techniquement trop beau, peut-être que la Dreamcast, elle ne pourra pas supporter le truc. Ou alors, non. C'est sur la PS4 qu'ils vont le faire moins performant. Non, il sera très performant. Après, je ne sais pas, il y aura peut-être une adaptation avec les compétences de la machine. Mais ouais. En tout cas, il tient absolument, parce que c'est un passionné de jeu aussi et de cette machine, qui est une version collector pour les passionnés Dreamcast. D'ailleurs, j'en profite qu'on parle de passionné de collector pour vous dire qu'il y a un projet de faire en vinyle. Donc tu vois, comme à l'époque du générique de Goldorak d'Enrique, qui n'est jamais sorti sur vinyle. Enrique. Donc je vous en reparlerai en temps et en heure, mais il y a un projet qui se balade là-dessus. Voilà. Alors, le truc qui a tout tué, qui a cartonné, d'ailleurs, qui a généré une presse, même chez nous, même Le Monde en a parlé, rends-toi compte. Ah ouais? Le Monde en a parlé, t'imagines? Tout le monde en parle. on va dire dans le quart d'heure qui a suivi moi, je l'ai su aussi, l'annonce j'étais pas... au Magic à Monaco, là, ça a été vraiment un raz-de-marée sur Internet, en France, mais aussi au Japon et dans d'autres pays, dont les États-Unis. Il y a eu énormément de presse. C'est un truc de fou. On va vous en parler. Avant, on va se mettre une petite musique quand même pour respirer un petit peu et puis se mettre en jambe. Voilà. C'est parti. Thank you. c'est du merveilleux Kentaro Haneda. Exactement, et l'excellent et regretté Kentaro Haneda, un des, enfin pour moi, plus grand compositeur japonais. Voilà, celui qui a fait donc les musiques de fond de la série des années 80 de Cobra, de la TMS. Qui sont, ouais, qui est un de ses meilleurs travails, on va dire. Mmh, il a bossé aussi sur Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, entre autres. D'ailleurs, il y a une musique qui est comme une ou deux. Plein de bonnes choses. Oui, c'est, en fait, ça, c'est les compositeurs, il faut recycler un petit peu, hein, entre guillemets. On en parlera quand on fera la spéciale musique de Toku, entre autres. Donc oui, monsieur Haneda, grand monsieur. Donc, l'annonce. L'annonce, alors, voilà, attention, on nous annonce une surprise, etc. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'ils ont vraiment bien gardé le truc. Secret jusqu'au dernier moment. Puisqu'il n'y a eu aucune fuite, oui, vraiment, jusqu'au dernier moment, aucune fuite. Même les gens, on va dire, proches de Shibuya Productions, j'en ai croisé quelques-uns, savaient qu'il y avait une annonce. Ils ne savaient pas ce que c'était. Ils ne savaient pas ce que c'était. Vous voyez, il y avait vraiment que les proches, que l'équipe de Shibuya Productions qui avait l'info, et bien sûr l'équipe de M. Terazawa. Bah oui, quand même. Parce que c'est un projet de Cobra. Parce qu'il faut qu'ils soient au courant quand même. Oui, bien sûr, puisqu'il va suivre ça de près en plus. Voilà. Donc, on voit un trailer. Donc, au départ, on voit un stadium. Donc, vous avez vu, hein, le trailer. On arrive dans le vestiaire, on voit les casques. Alors là, moi, tout de suite, j'ai tilté. Ah bah oui, le rugball. Le rugball. J'ai dit non, c'est pas vrai. Et c'est vraiment bien fait, leur truc. Donc, on voit Dan Brad. Ses yeux. Avec ses yeux. Et puis, on voit qu'il a le même t-shirt que l'équipe Z. Alors ça annonce du bon, ça. Mm-hmm. Si tu regardes bien le truc. On voit des gens qui marchent, qui arrivent vers le stadium. Et puis, donc, on voit le fameux t-shirt jaune avec le numéro. Enfin, vous connaissez. Une tête blonde. Là, c'est tout le monde. Ça y est, là, c'est des frissons dans la salle. Tout le monde exulte. C'est le truc de... Voilà. Et puis, il se retourne avec Et puis, il y avait une musique bien qui met dans le trip, quoi. Mmh. Avec le cigare. Et puis, on voit le titre. Section Z, Return of Joe Gillian. Enfin, un truc de fou, quoi. Et là, c'est vraiment... C'est 2 minutes, là, dans la salle d'applaudissements, de machin, de joie. Et là-dessus, il y a Monsieur Terazawa qui revient. Alors là, c'est... Il revient, hein. Là, c'est Woodstock. C'est, je ne sais pas comment te dire. C'est un truc de malade. Woodstock. Quoi. Mais il faut vraiment le vivre en direct, parce que le fait de voir le trailer sur YouTube... Ah oui, c'est pas pareil, j'entends bien. On est bien. Content, mais c'est pas pareil. Parce qu'en plus, tu as l'effet de surprise, que tu te dis non, mais tu étais sur vraiment, excusez-moi le terme, sur le cul, quoi. On était tous sur le cul quand on a vu ça. C'est mieux pour ce soir. Donc, il est très content de ce projet qui lui a été proposé par donc Shibuya Productions. Bien entendu, donc son équipe, donc Hager, là, etc. Enfin, tu connais, et lui-même, donc, vont coproduire le truc. Donc, il va être, on va dire, intervenant technique. Il va suivre ça de très, très près. Ça a bien été dit par son manager. Alors, par rapport à tout ce qui est dit, on va préciser un petit peu. La grande question, c'est est-ce que c'est un remake ou est-ce que c'est une nouvelle histoire du rugball ? Je vais le dire parce qu'on lit plein de bêtises sur Internet. Parce que c'est ça qu'on veut savoir. Et puis, c'est vrai que ça n'avait pas été précisé pendant la conférence. Ah, donc tu as eu des indiscrétions. Après, j'en ai discuté un petit peu avec l'équipe de Shibuya Productions. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la diffusion... Donc, c'est une série d'abord. C'est ni un film, ni un pilote, ni un court-métrage. C'est une série qui sera que sur le rugball. C'est une série qui est axée sur le rugball. C'est prévu pour 2018. Ah, chiotte. Il faut le temps que ça soit réalisé. Là, on en est à la phase de financement et puis de début de choses, des choses qui commencent. C'est 100% original. Ah, donc c'est pas ce qu'on a déjà vu. C'est vraiment le retour au rugball. C'est pas un remake. C'est des histoires complètement... original. D'accord. C'est pour mais ça. Mais signé Terazawa. Ah bah c'est en collaboration avec lui, donc oui, forcément il va travailler là-dessus. Voilà. Il va superviser, va donner son avis, etc. Il y a rien qui se fera sans son accord. Et tu sais bien qu'on fait rien sans ses idées, etc. Donc ça va être du lourd. Et c'est pour ça que d'ailleurs, imagine l'équipe, la section Z avec Dan Brad dans l'équipe, avec Cobra. Donc c'est un truc qui va tuer. Ouais. Donc c'est vraiment du 100% original. C'est pas on refait la série comme j'ai vu, mais on a déjà vu. Non. Bah, c'est ce qu'on avait l'impression. Depuis c'est pas un film. Ils donneront des infos dans quelques mois, mais voilà, les premières qu'on a, c'est donc c'est au moins 13 épisodes, j'imagine, minimum. Ils n'ont pas parlé du nombre d'épisodes, ça dépendra du financement, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y en aura plusieurs. D'accord, et donc c'est de l'inédit, c'est vraiment le retour de Joe. C'est de l'inédit, et c'est pas parce qu'il va y avoir ce petit bonus, moi je trouve ça absolument génial, qu'il n'y aura pas d'autres choses. On ne va pas adapter le reste des histoires. Cobra, il continue à travailler dessus, il y aura des choses, il n'y a pas de souci. Ça, on peut dire que c'est un petit bonus qui est le bienvenu. D'accord. Et c'est un projet franco-japonais, Donc c'est quand même, c'est pas rien. Bah, dans ce cas, je suis tout pour. Gros, si c'est des gros enthousiasme, de bah oui, et t'imagines Dan Brad avec Cobra dans la même équipe, ça va donner un truc de malade, quoi. Donc il va y avoir des, ça va être axé sur des matchs, bien entendu. Bon, on en sait pas plus, mais ça va être des trucs, ça va déchirer, quoi. Voilà, voilà, t'es content maintenant. Maintenant, j'ai hâte d'être en 2018. Voilà, donc il faut pas, surtout, on a lu énormément de bêtises sur Internet. Non, non, voilà, les dernières infos, elles sont celles-ci, je vais arriver à le dire. Donc, que du bon, faudra attendre 2018, mais c'est un projet qui est... Au Japon, ils sont fous de joie. Bah, ils tu m'étonnes. La presse, un truc, mais c'est... Le rugball, c'est un des chapitres qu'on préfère. Voilà, donc plus, c'est une bonne idée, finalement, d'avoir adapté. Ah, si c'est pas un partie. Remake, si c'est de la, non, une non, suite, ça me va. Non, c'est absolument pas un remake, c'est 100% original, on me l'a assuré, donc... Bon, on peut y aller, alors. Ça va cartonner. Ça, c'est clair. Donc, après cette conférence, eh ben, la journée était déjà bien passée. Il était 17h et quelques. Mm-hmm. Donc, je suis retourné au coin presse. Bon, c'est... En principe, on ne devait pas voir M. Terazawa, on va dire. Mm-hmm. Enfin, je parle pour le boulot, hein, pour interview, oui, etc. Pour des interviews, oui. Parce que voilà, il était quand même fatigué. Il y avait énormément de demandes. Il fallait réserver les créneaux. Donc, c'était J1 et No Life qui ont fait des, on va dire, des reportages filmés. Ah oui. Alors, il y a quand même eu... Alors là, je remercie encore le service presse qui a vraiment bien assuré et qui m'a permis d'assister, on va dire, à ce qu'on appelle la table ronde. Alors, la table ronde, ils ont pris quelques médias. Mm-hmm. Ils les ont regroupés. Et tout le monde pouvait poser M. Terazawa. Voilà, exactement, poser deux questions. Et on a posé quelques questions. Donc, mais ça, c'était beaucoup mieux. Hein. Mm. Il a pris le temps, il répondait tranquillement. D'ailleurs, j'ai posé une question, il a répondu. Ça a duré 5 minutes. Ah ouais. Donc, vous écoutez. Donc, il développe bien, c'est pas juste oui-non. Oui, non, c'était vraiment le top, quoi. Parfait, on a hâte aussi. Il a été très gentil parce que c'était pas forcé que ça se passe et finalement il a accepté. Pourtant, il était quand même très fatigué. Mm-hmm. Et puis après, il attendait la dernière dédicace. Vous voyez, une journée très longue et dure pour lui. Yeah. Donc, vous écouterez tout ça prochainement. Vous verrez, il y a des infos intéressantes. Alors, tout ça, c'était le samedi, le dimanche, il s'est passé des trucs ou bien? Non, c'était qu'une journée, le Magic. C'est que le samedi. Ah, c'était que le samedi. Oui, rappelle-toi ce que j'ai dit au début. Je parle du samedi. Uniquement mais moi, le samedi, je croyais que 27 février. Je croyais que c'était le week-end. Bah, non. Ah non, c'était que le samedi. C'est pour ça. D'accord. Que timing assez serré et puis assez complet. Ah bah oui, bah, c'est une journée de ouf. Alors, une ça suffit, effectivement. Une, ça suffit, mais bien complète. Et donc, arrive la deuxième dédicace. Donc là, bah, évidemment, les places étaient déjà prises, entre guillemets, depuis le matin. Mm-hmm. Donc, il fallait faire partie des petits vénards qui avaient le fameux ticket orange récupéré dès 9h30 et 10h le matin. Vous voyez, et on était quand même là à 18h30, 19h. Hein. Et là, pour le coup, c'est ça pas un ticket vite. Que tu as payé une fortune, puisque non, c'était c'est gratos. Gratuit. Alors là, une dédicace différente. Pour deux choses. D'abord parce que, sous réserve que ce soit officiel, bien sûr, vous pouviez faire signer absolument n'importe quoi. Alors, un exemplaire, hein, faut pas exagérer, mais ça pouvait être un manga, un DVD, un Blu-ray. Il a signé un peu de tout, mais en grande majorité le manga, parce que pour un mangaka, rien de plus naturel que de faire signer un manga de Cobra. Oui, oui. Logique. Et il y avait un petit cadeau de la part du manager de M. Buki Terazawa. Alors là, ça, c'était le bonus de l'après-midi, donc il n'y en avait que 50, pareil, mais il offrait un porte-clés Psychogun. Porte-clés qui s'allument en plus. Ah ouais. Avec le rayon delta. 9 sous blister en série limitée, donc sympa. Ouais. Alors, je tiens aussi à remercier le management de M. Buki Terazawa, Buchi Terazawa, pour les puristes. Vraiment, alors ils étaient 4, mais vraiment très, très, très gentils. Rien à voir avec ce Gonagai. Voilà, par exemple, on a eu des expériences très, très moyennes où tout est interdit, on ne peut rien faire, on ne peut pas approcher, tout est strict. Il n'avait pas de problème avec les photos non plus. Parce que non, souvent ils ont des problèmes. Non, je veux pas comprendre la photo. Non, lui il était pas contre, mais par contre pour mesure d'efficacité, l'équipe pendant on va dire les 90% de la dédicace disait non, pas de photo, on n'a pas le temps. Oui, pour pas perdre de temps, mais pas je veux dire tu peux temps. Le prendre en photo de tu loin. Tu peux le prendre en photo pas... sans problème. Tu peux il même pas perdre le... son âme. Tu pouvais même le prendre quand il signait ton truc. Bon. Oui. Après donc la plupart des personnes étaient parties, donc il était préférable d'être à la fin de la dédicace parce qu'il restait très peu de monde et là du coup ça durait beaucoup plus longtemps. Le salon allait fermer, enfin le salon, le colloque allait fermer ses portes, parce que c'est pas un salon, il restait qu'on va dire une dizaine de personnes. Et donc là, ça a duré, on va dire, une bonne vingtaine de minutes où il a pris le temps, il a déliré avec les gens, il avait un mot pour tout le monde, sympathique. Ah, je vois comme quoi vous mettez les derniers. Il a fait des photos, il a fait son fameux bras de fer et puis il a comme une sorte de signe de reconnaissance, Monsieur Terazawa. Donc il l'a fait avec chacun de nous, entre guillemets, donc ça c'était plutôt sympathique. Et puis, grand moment, quoi, voilà. Un grand monsieur. Et il est encore resté après, une fois que tout le monde était parti, bon, hors accréditation, moi je suis resté puisque j'avais la possibilité de rester. Il a fait donc, ah oui, donc je précise avant, il a fait un dessin pour un fan. Alors un fan qui lui a fait un cadeau, donc normal, il l'a récompensé avec un dessin. Oui. C'est un fan qui a fait une figurine. C'était très beau, dans une sorte de résine de cobra avec le Psycho Gun. Uh-huh. Il l'avait protégé, parce que c'est vrai que c'est un petit peu fragile, la résine, dans une espèce de cloche transparente. Il a vu ça, il a vraiment adoré. Donc du coup, il lui a fait, d'ailleurs, comme quoi sur le manga de Takeru, un cobra de profil avec le cigare. Ah ouais. Voilà. Et le monsieur a eu droit à sa photo aussi, donc elle était tout content. C'est minimum, lui, il a bossé. C'était un méga ultra fan, parce qu'il avait bossé, en plus, il avait le t-shirt et la casquette du rugby. C'était un truc de fou. Et donc, monsieur Tarazawa a fait aussi des dédicaces pour les membres du staff qui étaient là. Mm-hmm. Voilà, donc vraiment, une annonce de folie, la rencontre avec une légende, avec l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand mangaka japonais de tous les temps. Ouais, ça, c'est clair que Cobra, ça, c'est du lourd, ça. Donc, on comprend mieux pourquoi il était venu, en fait, dans nos contrées, on va dire, entre guillemets. C'était par rapport à ce fameux projet. Il y a bien que l'équipe de Shibuya Productions qui réussit de tels miracles. Je le précise. Je les adore, moi, ces petits gars. Ils me plaisent bien. Oui, donc moi, je tiens une nouvelle fois à remercier Laurence et Sarah du service presse. Vraiment, qui m'ont accueilli mais comme un VIP, qui m'ont permis de travailler dans les meilleures conditions. Je remercie Cédric, bien sûr, pour son organisation, son travail, et puis parce qu'il est très sympathique. Mais je remercie aussi particulièrement Saesibo, qui m'a permis un petit moment de rencontrer en privé Monsieur Terazawa. Donc ça, c'était vraiment énorme. C'était the place to be aussi. The place to be, c'était vraiment méga lourd. Donc le Magic l'année prochaine. Je vous conseille de vous inscrire très vite parce qu'il va y avoir du lourd également. Donc il y aura sûrement encore une grosse pointure. Il y aura une grosse pointure. Du 42. Hein, c'est quand même la deuxième année qu'ils font venir un mangaka qui venait pour la première fois et donc, en France. Et la première année, c'était qui alors qu'il y avait La première année, c'était le mangaka original de Captain Tsubasa. Ah oui, oui. Effectivement. Jamais c'est venu. C'est il y avait Kara Design oreilles. De la série animée qui était venu, mais jamais le Kara Design. Le mangaka, l'auteur, le vrai auteur, l'original, celui qui a fait le manga, la bande d'accord, dessinée. D'accord, tu vois, j'en perds mes mots, c'est l'émotion. Parce que Kara Designer, je crois qu'il était venu à Japan Expo Marseille. Voilà, Japan Expo Sud, exactement. Pour une fois qu'il y avait quelque chose là-bas. Donc vous l'avez vu, pour les fans de Cobra, il y a eu du lourd, il fallait être à Monaco. Cette annonce pour cette série complètement nouvelle et qui envoie du lourd, axée autour du rugby. Les confidences aussi, cette conférence de M. Terazawa, c'est unique pour être souligné, parce qu'à mon avis, ça va être compliqué pour qu'il revienne en France, en tout cas dans l'immédiat. Donc c'était vraiment un événement exceptionnel. On remercie encore une nouvelle fois l'équipe de Shibuya Productions. Et donc on vous passera ces petites interviews dans les prochaines semaines. Et oui, oui. Ah bah, qu'est-ce qu'on a hâte d'entendre tout ça. Alors sinon, pour nos amis clermontois, puisqu'ils ne sont pas loin, je vous rappelle que ça se rapproche dangereusement, le Clermont Geek Convention, puisque c'est les 19 et 20 mars prochains là, qui arrivent. Donc il ne reste qu'une petite quinzaine de jours à tout casser. Donc préparez-vous, bien sûr, à Polydôme, comme d'habitude. Alors comme invité intéressant pour nous, il y aura donc Christophe Lemoine et Thierry Vermouth, qui sont des comédiens qui font du doublage. Donc bon, ils sont invités en tant que comédien qui bosse sur South Park. Personnellement, on n'a rien à foutre de South Park. Donc voilà. Mais ils ont fait, Dieu merci, plein d'autres choses beaucoup plus intéressantes, ces petits gars. Thierry Vermouth, c'est quand même la voix de Tintin dans les dessins animés de Tintin, entre autres. C'est aussi Queen Mallory dans Sliders. Et on adore cette série ici. Et bien sûr, Christophe Lemoine fait aussi Flash dans Ligue des Justiciers, dans tous les dessins animés comme ça. Et puis c'est aussi Sam Gamgee dans Le Seigneur des Anneaux. Oui, il y aura deux conférences intéressantes pour le coup, donc vous le soulignez. Voilà. Avec Olivier Fallet. Olivier Fallet qui sera là, effectivement, et qui fera une conférence aussi. Voilà. On se rappelle des conférences où il y en a une qui est axée sur le fansub et le piratage. Oui, la légalité de toutes ces sortes de choses. C'est intéressant. Mmh. Et le dimanche, j'ai zappé le thème, mais très intéressant aussi, sur ce que j'ai vu. Par rapport De toute façon, on vous en reparlera, bien entendu. Non, mais ça vaut le coup, là. C'est des sujets vraiment intéressants. Donc, puis c'est toujours agréable avec Olivier. Donc venez. Et je l'ai dit, mais événement oblige, la Japan Party à Nanterre avec le 13 donc mars dimanche, le générique TV Party numéro 2. Numéro 2, le retour. Spécial fille avec plein de surprises, des chansons qu'elles n'ont encore jamais interprétées. Donc, faut y aller, quoi. Voilà. Vraiment, il va y avoir du collector, allez-y. Alors, donc, comme Michel ne sera pas à cette partie, on va l'écouter pour se quitter aujourd'hui. Allez, ouais. Michel Barouille avec le bus magique. Donc, c'est un dessin animé pour, bien pour gnangnang pour les petits-enfants tout petits. Mais bon, c'est Michel qui chante, donc du coup, c'est tout de suite beaucoup mieux, hein, bien entendu. Et on se retrouve donc la semaine prochaine, et ce ne sera pas à l'Arstarf. Nigo. Nigo, c'est parti, le bus magique. À la semaine prochaine. En voiture, tout le monde. J'espère qu'on fera un voyage tranquille. Avec bien fait sur un bois. Tu roules dans la ville, tu te sens au paradis. Yeah. Tu n'es même pas étonné. De voir un poulpe nager. Fais du surf en musique. Swing dans les étoiles. Yeah. Tourne à gauche dans les intestins. Tourne à droite juste après Mars. Dans notre bus magique. Tout un jour. Dans le nez. Viens dans notre bus magique. Passe dans le plancton. Viens dans notre bus magique. Sur le fleuve de l'amour. Dans notre bus magique. Quelle sensation! Assieds-toi bien sur la banquette. Installe-toi sans hésiter. Et pour que tout soit parfait, tu pourrais cuire à l'étouffée. Dans notre bus magique. Arrivons, ça va être super. Allez! Venez dans notre bus magique.